Difunto. Salo. 80. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbay vient nous présenter ses mythes du rock'n'roll. On parle plein air avec Émilie Gauthier. Et à la chronique technologique CNX. Tout ça dans Assemblage requis, tout de suite. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Il s'appelle Kiwan. Et lui, c'est Mathieu. Bienvenue à vous, tout le monde, toute la gang au grand complet. On les apprécie, on irait leur serrer la main comme les politiciens et embrasser leur front comme des bébés. Mais on attraperait la grippe AH1N1, donc on le fera pas vu qu'on n'est pas encore vacciné. On va se coincer les coudes comme ça, se frotter les coudes comme en signe de dignitaire. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, évidemment, tout plein de choses. On va voir Simon Fitzbay qui va venir nous faire, comme toujours, ses mythes du rock'n'roll. On va voir aussi du plein air avec Émile Gauthier. Oui, et puis, comme d'habitude aussi, à tous les jours, dans une vingtaine de minutes environ, tu vas nous faire une chronique CNX. Et aussi, depuis hier, quelque chose de nouveau qu'on va faire à tous les jours jusqu'à l'Halloween. C'est qu'on va vous présenter une chronique, une capsule, en fait, faite par Régis Olry, sur le diable. Ça s'appelle Le diable dans tous ses états. La deuxième partie tout à l'heure. On va aussi avoir la chance de parler d'une autre émission spéciale qui s'en vient avec M. Régis Olry qui va être bientôt dans nos studios. Mais bref, avant ça, commençons l'émission en musique, pourquoi pas, avec Nelly Confit. Oui, un extrait de son nouvel album LP3, Papier Vampire. On va écouter la pièce Denise à Assemblage requis. Ah, c'est fou, 89.1 FM. De l'ennui profond d'une vie qu'elle rate à comparer son gazon avec celui du voisin, le con, à vouloir la plus belle maison, mourir la bouche pleine. Les années et les années, des temps s'en passe, je ne tends pas l'oreille. Et puis des mots qui ressemblent au son que font les bêtes au bois. C'est à la mode d'être des cons, de raconter sa vie sur les ondes. Papa me touche, ma femme me trompe, les imbéciles c'est malheureux. Donner la parole au cerveau mollasse, installer leur casino, fermer les écoles, vénérons le cash. Au bois, Americana, Amenego, roulette russe ou machine à sous. Papa m'a dit de rester à l'école, les imbéciles c'est dangereux. Caffeine et la pièce Les Imbéciles, juste avant ça, on avait entendu avec Confie, avec Denise. Denise. C'est un nom de ma tante un peu. J'ai une tante qui s'appelle Denise. Ah, moi, j'ai une mère qui s'appelle comme ça. Ah, ben c'est bien. C'est un beau nom, tu sais. C'est un nom d'une génération, tu sais. Donc, vous êtes toujours Assemblage Requis jusqu'à 17h. Je vais faire rire de moi en ce moment, mais bon, tu sais, c'est de même. Non, mais là, t'as voulu dire des propos gênants envers les Denises assumées. Non, absolument pas. Regarde, j'ai des tantes qui s'appellent de toutes les sortes, tu sais. Donc, à Assemblage Requis jusqu'à 17h, c'est vrai, tout à l'heure, on va recevoir Simon Fitzbay pour faire ses mythes du rock'n'roll. On sait pas encore ça va être quoi, mais c'est quelque chose je dirais un mythe qui a rapport avec le rock'n'roll, sûrement. Si on se fie aux statistiques là, des dernières semaines, ça devrait, oui, être dans ces eaux-là. Ouais. On va aussi avoir une collecte technologique CNX tout à l'heure. On va vous simplifier la vie avec des logiciels et des sites web qui vont vous simplifier certaines tâches que vous avez à accomplir dans votre vie de geek. Dans ma vie, il y a tellement de choses qui demandent à être simplifiées dans ma vie de geek. Là, tu croiras pas à ça. Je vais t'en apprendre des choses que tu pourras pas utiliser parce que tu t'en fous un peu. C'est sûr que ça va en apprendre. Ça va être tout à l'heure après le prochain bloc. Mais pour l'instant, on va y aller avec une nouvelle entrée du palmarès. Moi, je dirais que c'est mon coup de cœur. Tu sais, pour utiliser un cliché radio, là, c'est mon coup de cœur. On pourra mettre un petit cœur à côté dans la liste, dans la playlist qu'on va mettre sur l'assemblage requis. On pourra mettre un petit cœur avec un MP dedans pour Mathieu Plante. Oh oui! Wow. S'il te plaît, tu feras ça. Tu feras ça. On va faire ça. On va aller écouter Pete Yorn et Scarlett Johansson. Oui, la Scarlett Johansson, l'actrice. Celle-là. Puis la pièce Relator à assemblage requis. Au 89 FM, c'est fou! I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. You can leave when Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Je te dis qu'à la pentagone, mais je la vois qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboise et pomme, pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru. Ça c'est de la bonne, c'est comme framboise et pomme. Elle emmène tout un train d'allant, la reine de ton père, le sucré, sa majesté. Une chose à quoi c'est pas ce qu'il y a d'érange, comme parler puis promener, ça gomme entre eux. Ça c'est de la bonne, c'est comme framboise et pomme. Ça c'est de la bonne, c'est comme. T'as les yeux comme un trou quand une ballonne te pète sur le nez. Ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre. Merveille masquée. Je partage mon vieux cœur de pomme. Si tu me laisses un bout de ton trésor sucré, si c'est pas une aubaine, c'est tout con. Moi je pourrais t'aider à épargner vos dentiers. Ça c'est de la bonne, c'est comme framboise et pomme. Ça c'est de la bonne, c'est comme. Ça c'est de la bonne, c'est comme framboise et pomme. Ça c'est de la bonne. Let's go. couleur du blanc noir. Même si j'ai peur. Flat, la pièce Technicolor, c'est dans le palmarès francophone. Ça, juste avant ça, on avait entendu Fred Fortin avec son nouvel album Placerie la Lune. Tu te souviens qu'il avait fait un lancement au Lac-Saint-Jean, on en parlait ici à l'émission il y a environ une semaine parce que il est allé lancer ça dans l'événement, dans un nouveau festival qui se passait au Lac-Saint-Jean qui s'appelait le Coup de grâce de Saint-Prime, oui. Tu t'en souviens? Ça a été vraiment un très grand succès. Tous les spectacles de la fin de semaine de ce festival-là ont été remplis. Toutes les salles étaient à pleine capacité pour toute la fin de semaine, en fond, tous les spectacles. Donc, ils ont annoncé la semaine dernière, là, dans les derniers jours, ils ont annoncé que l'événement va revenir l'année prochaine pour une deuxième année. C'était la première cette année. Puis là, ben, c'est déjà annoncé à peu près aux mêmes dates, le début octobre. Les dates sont annoncées 9, 10, 11 octobre 2010. Mais bon. On a le temps d'en reparler d'ici. C'est encore loin. Là. Cool. Il est environ quoi, 15h22. Et qu'est-ce que ça veut dire, 15h20 environ, d'habitude? Ça veut dire 15h22. Que nous allons entendre la chronique CNX. Excellent. CNX, la chronique de la bibliothèque. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est utile des trucs, donc on vous présente des trucs, des sites web, des logiciels qui vont vous simplifier une tâche geek dans votre vie sur les internets. Vous allez trouver ça plus facile avec mon aide, on pourrait dire. Commençons, Sharky One, avec Online OCR qui convertit des documents scannés en texte éditable. Hein, que ce soit une page imprimée par votre patron, n'importe quoi, un vieux texte que vous voulez changer quelques mots dedans ou que vous devez changer ça en template pour que ce soit modifiable. Donc, Online OCR va prendre l'image de texte et changer ça en copie éditable. Vous pouvez y envoyer des formats très différents comme PDF, TIFF, JPEG, n'importe quelle sorte d'image de zip même avec plusieurs documents dedans. Sans créer de compte, vous pouvez convertir des documents jusqu'à 1 MB de grandeur et 5 pages de long. Si vous créez un compte gratuit, ça vous permet d'envoyer des documents jusqu'à 20 MB et plus long que 5 pages. Bref, il y a toute une affaire de crédits. Ils vous donnent des crédits pour faire des pages complètes. Ce que ça veut dire, c'est que à la base, vous allez avoir seulement du texte, donc vraiment une boîte de texte, alors qu'avec la version compte gratuit, si vous avez, disons, des colonnes dans un PDF, il va pouvoir vous faire un document Word avec aussi des colonnes. Donc, ça peut être bien si vous voulez garder le formatage de votre document. Ça s'appelle Online OCR, c'est sur onlineocr.net. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, même pour se faire un compte, ça coûte rien du tout. Bon. Continuons avec Vista Switcher, qui est un remplacement pour votre combinaison de touches Alt-Tab. Est-ce que tu as déjà utilisé les touches Alt-Tab sur ton ordinateur PC, Kiwan? Ben sûrement, un moment ou un autre de ma vie. En t'accrochant dedans, sûrement. Probablement. Alt-Tab, si tu veux l'essayer, si tu as plusieurs applications ouvertes en ce moment, tiens le bouton Alt et fais Tab. Et là, il va y apparaître une belle petite fenêtre dans le milieu. Et là, vous pouvez faire Tab, Tab, Tab pour changer d'application s'il y en a plusieurs d'ouvertes, pour retourner, disons, bon, à mon Winamp ici. Puis là, sinon, je le fais, je retourne à mon Firefox. Oh, que c'est donc merveilleux. Il y a une application qui s'appelle Vista Switcher qui remplace... Disons-le, cette affreuse fenêtre est pas belle, la fenêtre. C'est un carré grec des icônes, c'est pas génial. Donc, Vista Switcher, ce que ça fait, ça remplace ça par une belle petite fenêtre avec transparence. Et c'est non seulement joli, mais en plus utile. Hein, parce que les gens me disent souvent, hey, c'est rien que pour être cute, m'en fous que ce soit cute, je veux que ce soit utile. Ben, ici, c'est utile parce que tu as des raccourcis clavier pour, par exemple, pouvoir utiliser, pouvoir sélectionner plusieurs applications en même temps pour, par exemple, les fermer. Vous pouvez même paramétrer les touches qui vont être utilisées pour faire différentes applications, mettre toutes vos fenêtres en cascade ou en disons, c'est deux fenêtres de haut par deux fenêtres de large, un carré. Changer entre plusieurs fenêtres d'une même application, ce qui est vraiment génial, un peu comme sur macOS, mais de façon Windows. Pour, disons, que tu as plusieurs fenêtres de Firefox d'ouvertes ou plusieurs explorateurs Windows, tu peux changer de fenêtre en fenêtre sans avoir à faire le tour de toutes les applications qui seraient ouvertes comme Photoshop ou Paint ou n'importe quoi. C'est génial, ça s'appelle Vista Switcher. Il faut aller surveiller le lien sur le www.assemblagerequis.com. Il y a même un lien vers une critique un petit peu plus exhaustive de ce logiciel-là. Ça remplace votre Alt-Tab dans Windows que tu n'as jamais utilisé, mais que peut-être que maintenant que tu le sais, à la place d'aller cliquer sur les boutons, tu vas pouvoir l'essayer une fois de temps en temps. Ben, tu sais. Ou pas. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi tu me l'as pas dit avant. Tu m'en veux. On s'échange pas assez ces petits trucs-là comme ça. Hmm. Je t'ai pas formé à ma main encore. Je suis pas mis à ma main. Toujours pas, non. Pas assez. Contrairement à Denise. Denise, elle... Beau travail. Là, fais attention quand tu parles de Denise, s'il te plaît. Là. Non, je trouve qu'elle a fait du beau travail avec toi. C'est un compliment, là. Come on. Come on. Continuons avec Fences Desktop Icon Organizer. En fait, on va l'appeler juste Fences, ça ne me dérange pas. C'est un logiciel pour Windows qui est un organisateur d'icônes, hein, d'où le nom. On en parlait à CNX dans une chronique du truc il y a de cela quelques mois. Maintenant, ils ont quitté la version bêta. C'est rendu un vrai logiciel 1.0, là, officiellement sorti. Et ça garde vos icônes à l'intérieur de beaux petits blocs, un petit peu comme des clôtures, si on veut, d'où le nom Fences. C'est minimaliste pour ceux qui n'aiment pas le minimalisme. Moi, j'aime bien le minimalisme. Mon bureau n'a qu'un seul icône, c'est genre mon poste de travail. Des fois, il y en a deux. Il y a peut-être ma poubelle sur le bureau quand j'ai pas le choix. J'aime ça minimal. Ceux qui ont plusieurs icônes sur leur bureau et qui voudraient les séparer, par exemple, en logiciel pour le bureau ou fichier random de junk là, que je télécharge sur Internet, que je vais faire le ménage plus tard. Tu sais, tu peux faire avec ce logiciel-là, Fences, un beau petit carré autour. Et là, par magie, ça va devenir une ferme, si on veut, ça, où tu mets tes icônes qui vont s'aligner tout bien droit dedans, tout bien égal avec... tu peux lui mettre un titre en haut, par exemple, bureau. Après ça, tu peux redimensionner cette petite ferme-là et puis tous tes animaux vont suivre tes petits icônes. Tes petits icônes vont suivre. Tu comprends ce que je veux dire par les icônes ici? Une vraie ferme, là. Et voilà, une ferme d'icônes sur votre bureau. C'est pas un terme technologique, ça, là. J'essaie de rendre ça simple, okay. Ouais. J'essaie. Fais-moi pas chier. Bureau, lien rapide vers des documents, n'importe quoi, tout ça sur votre bureau d'ordinateur. Là, on parle de votre écran Windows. Là, je sais que c'est difficile de faire différenciation. Non, mais c'est la dernière fois que tu me parlais de police. Moi, je pensais à des agents de police, puis j'étais tout mélangé. Mais là, tu me parles d'une vraie ferme, là, une vraie. De non, vraie... pas une vraie ferme, bâtard. Une ferme d'icônes avec des clôtures. Bon, j'abandonne. Allez voir sur stardock.com. Il me fait tellement rire. Ou sur assemblagerequis.com, il y a le lien aussi. Belle petite bête, mais pas littéralement, comme logiciel. Belle petite bête de logiciel. Okay. Gratuiciel, donc ça coûte rien et c'est pour Windows seulement. Quelque chose qui pourrait peut-être te servir un petit peu plus, vu que toi, t'aimes tous tes courriels, tes faits imprimés. Hein? Tu mets tout sur papier. Il faut que ce soit sur papier, toi. Ah, tout le temps. Tout le temps. L'environnement, le poids. Wesh, caca. Print Eliminator est un autre. En fait, c'est pas un logiciel, celui-là. C'est un bookmarklet qu'on appelle. Des fois, on en parle ici dans les chroniques CNX et tu te demandes peut-être c'est quoi un bookmarklet. C'est littéralement un favori dans Explorer ou un signet dans Firefox. Donc, comme quand tu mets, mettons, la page MSN dans tes favoris. À la place, tu mets Print Eliminator dans tes favoris. Et aussi, tu vas sur un site web, tu n'as qu'à sélectionner dans ta barre de favoris le mot Print Eliminator et ça va faire quelque chose sur ta page web. Il y a plein d'options que tu peux faire avec des bookmarklets si tu les cherches un peu. Dans ce cas-ci, le Print Eliminator te fait apparaître une barre d'outils. Donc, une fois qu'il est activé, on peut cliquer sur des événements pour enlever, par exemple, une bannière, enlever un menu, enlever un bas de page. C'est pour faciliter l'impression sur papier, sur feuille. Donc, tu peux enlever des éléments. Si tu veux pas le faire manuellement, tu peux enlever toutes les images de la page avec un seul bouton. Donc, toutes les images sont moins, il ne reste que le texte. Tu peux aussi faire option-clic ou contrôle-clic sur un article, sur une image, par exemple, pour enlever tout sauf ça. C'est comme le contraire, tu comprends? Donc, tu pourrais enlever tout sauf, disons, le menu ou tout sauf le haut de la page. Donc, ça, c'est super cool. Print Eliminator qui vous couvre de tous les côtés dans tout ce que vous voulez faire pour imprimer une page. C'est génial. Print Eliminator, le lien est sur assemblagerequis.com. Je vais passer, pourquoi pas, rapidement à Valerie. Si vous passez, par exemple, de Windows XP à Windows 7, Windows 7 sort après-demain, je crois que c'est jeudi, la nouvelle version de Windows. Si vous voulez passer d'un Windows à un autre, et que là, vous devez formater votre ordinateur. Et là, il y a plein de logiciels à installer quand on installe un ordinateur. Tu veux installer Firefox, Safari, OpenOffice, VLC, Emule, n'importe quoi, Flash. Eh bien, Valerie est un logiciel qui vous permet de le faire assez facilement. Et c'est même pas un logiciel qu'on a à installer sur l'ordinateur. C'est seulement un fichier exécutable, donc que tu mets sur ta clé USB, une disquette, un CD. Tu le pars. Pop, ça arrive dans ton écran. Tu choisis quelles applications tu voudrais installer, des applications de base. Et puis là, il va tout le temps prendre la version la plus à jour en allant directement sur le site. Et il va non seulement faire ça, télécharger tes logiciels tout seul, mais en plus, il va sauter par-dessus toutes les questions en répondant le choix qui est le meilleur pour ton ordinateur. Par exemple, bon, oui, je suis d'accord à la licence, mais non, je veux pas installer ta foutue barre Yahoo. J'en veux pas ta maudite barre Yahoo. Ça va le faire automatiquement. Il va tout enlever la crap qui vient d'habitude avec tes logiciels. Je parle bien, mais c'est ça. J'aime pas ça, moi, qu'il me propose une barre Yahoo, j'en ai rien à foutre. Hein? Bon. Y'a-t-il les gens qui l'utilisent, la barre Yahoo? Je sais pas. Puis de toute façon, Firefox et même Explorer de nos jours, même foutu Explorer de v'là des décennies qui est plus à jour dans tous les systèmes de codage, ils ont même une barre de recherche dans Explorer pour chercher sur Google ou sur Bing, n'importe quelle merde que Microsoft peut inventer comme logiciel de recherche. Ils sont tous là! Fait que pas besoin d'avoir une barre de Yahoo. Bon. J'avais dit que je m'emporterais de nouveau à un moment donné. Hein, calme-toi. Valerie est le nom du site web. Allez voir, je crois que c'est getvalerie.com. Getvalerie.com. Mais de toute façon, le lien est sur assemblagerequis.com. Et l'article, ouais, c'est bien getvalerie.com. Juste pour me reprendre. Là. Et il y a vraiment une description détaillée en images de comment faire pour faire fonctionner ça, ce logiciel-là. Non. Sinon, là, vraiment, j'avais dit rapidement, là, hein, fait que je vais arrêter de parler de tout en grand détail, mais si vous voulez utiliser la nouvelle page d'accueil de Google avec juste le logo et deux boutons et une barre de recherche, c'est tout, pas de lien vers d'autres sites de Google, vers d'autres publicités, de n'importe quoi, allez sur assemblagerequis.com, copier-coller la petite barre, le petit texte JavaScript qui est en gris en plein milieu de la page, copier-coller ça une fois que vous êtes sur Google, mettez ça dans votre barre d'adresse, faites Enter, vous allez avoir la nouvelle version de Google.com, plus épurée, c'est cool. Une façon de faire votre propre support à iPod Touch ou iPhone, il y a plus en plus de gens qui en ont un, veut pas, avec un truc pour, tu sais, sur les verres de café dans les dépanneurs, il y a un petit carton. En faisant des entailles là-dedans, ils vous montrent dans la vidéo comment faire pour faire un support, pour le tenir debout, pour regarder un film, par exemple, dans le, je sais pas, dans l'autobus, n'importe quoi, dans le train, dans l'avion. Et on va terminer avec Tenai, qui est un logiciel, un site web qu'on a mentionné souvent à CNX, mais une nouvelle utilisation pour trouver, si vous voyez, mettons, une capture d'écran de quelqu'un sur Internet avec un beau fond d'écran, tu sais. On voit des fois, bon, les gens postent, tu sais, leur Windows avec leurs icônes pour montrer de quoi ça a l'air. Puis là, tu trouves le fond d'écran donc ben beau, puis la personne veut pas te répondre dans les commentaires, te dire, il vient d'où son fond d'écran, parce que c'est donc personnel. Ben oui, faut que ce soit exclusif. Ben oui, c'est comme, tu sais, moi, avec un chat ici, là. Je veux pas que personne pique mon chat avec le goût de ses fous. Personnalité qui en dépend. Tenai.com peut vous aider en envoyant l'adresse de l'image. Il va essayer de trouver d'où vient l'image, la source même la plus grande possible de votre image de fond d'écran, et vous allez pouvoir vous amuser avec des petits chats et le logo de Sifu, qui d'ailleurs est en téléchargement sur sifu.ca dans la section téléchargement pour ceux que ça intéresse de voir un beau petit minou. Dans la section petits chats, je pense. Oui, il faudrait que je fasse ça. Voilà, c'est tout pour la chronique technologique d'aujourd'hui. Ça tombe donc bien, hein? C'est le fun d'avoir des trucs comme ça. Mm-hmm. Trouve pas. Ça tombe bien quand la musique, quand le fond est fini, ça donne bien que t'aies fini. C'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Mm-hmm. Tu tapes dans le dos. Est-ce que tu vas utiliser un de mes conseils aujourd'hui? Non. Ça va? Ben oui, sûrement. Sûrement pas. J'ai pas encore pensé auquel, là, mais ouais. On s'en reparle là, de toute façon. T'es revoir dans les liens du assemblagerequis.com et tu rouvriras chacune des pages dans un onglet en tenant le bouton contrôle. C'est un autre petit truc que je te donne. Contrôle, tu cliques, puis ça ouvre dans des nouveaux onglets. Parfait. Une autre chronique CNX demain à 15h20. Tu me compteras ça une autre fois, là. Ouais, c'est ça. Ou compresser toutes les chroniques en une seule et même émission. CNX.zip, diffusé les lundis matins ici sur les ondes de C'est Fou à 10h et animé par le merveilleux Mathieu Plante. Ah, Key One, on dirait presque que tu le penses quand tu dis ça. Maintenant, on va retourner en musique. Voici Malajube. Avant que tu te mettes à t'enfler la tête. Ouais. Les collamboles de Malajube. Oui. Assemblage requis. Au 89.1 FM.

On a le fun même, ça. C'est le fun tranquille, des fois. Quand il y a tout le temps quelque chose qui se passe, à un moment donné, tu te tannes. We Are Wolves et la pièce Paloma de l'album Invisible Violence. Et avant ça, on avait entendu Mimi Van Der Glo avec la pièce Carping Chrétien. Ces deux pièces extraites du palmarès de C'est Fou. Caroline qui a fini de rose, là, je l'aime. Ça a fini vraiment comme dans ta face. C'est du We Are Wolves. Vraiment, c'est dans le genre très très bon. On va entendre tantôt une autre pièce un peu dans ce style-là. Du Dandy Wynn, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ça ici, c'est dans le palmarès, dans la dernière année, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai le goût de passer ça aujourd'hui, donc on va l'entendre un petit peu plus tard dans l'émission, mais avant ça, ce qu'on va faire tout de suite en fait, on va aller écouter la deuxième capsule de Régis Ollery sur Le Diable dans tous ses états, c'est comme une série qu'on vous propose jusqu'à l'Halloween, donc voilà. Voilà, voici Le Diable dans l'art, assemblage requis. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états. Présenté par Monsieur Régis Ollery. Le diable dans l'art. La tradition occidentale a toujours affublé le diable d'une paire de cornes plus ou moins impressionnantes, d'une barbichette, de pieds de bouc, d'une queue terminée en pique, d'un pénis bifide recouvert d'écailles, ce qui découragera nombre de ses groupies, le tout assaisonné d'émanations de soufre ou autres odeurs tout aussi nauséabondes. Mais les siècles vont progressivement retravailler ce portrait et ajouter, selon les courants, des bribes d'effroyables, une dose de ridicule ou quelques touches de féminité. Dans les siècles passés, l'Église assoit son hégémonisme sur la crainte des enfers et ses tourments éternels. L'art lui sert de vecteur qui véhicule ses mises en garde face à la tentation. Au tournant des XIVe et XVe siècles, le peintre flamand Jérôme Bosch saupoudre ses toiles d'une multitude de diablotins dans des décors qui préfigurent le surréalisme. Les démons du triptyque du Jardin des Délices, le plus souvent d'aspect animal mais de taille humaine, semblent davantage intriguer qu'effrayer les damnés qu'ils tourmentent de mille et un artifices. Memling, tout comme Grunewald, conserve le même rapport de taille, mais un de ces diables, tricolore et arborant un second visage verdâtre sur l'abdomen, se montre déjà plus apeurant. Les proportions sont par contre bien plus inquiétantes chez Paul de Limbourg, qui dans ses très riches heures du duc de Berry, représentent des démons gigantesques, agressifs, violents, le maître d'entre eux allongé sur des flammes, vomissant une quantité importante de damnés minuscules. Ces craintes ont été, au moins pour la plupart, reléguées aux oubliettes depuis le siècle des Lumières. Mais le diable continue, sous d'autres motivations, à inspirer de nombreux peintres plus contemporains. Au XIXe siècle, Félicien Rops, dans une de ses cinq planches « Les sataniques », parodie le calvaire du Christ, en imaginant le diable crucifié, en érection, et étranglant de ses pieds une jeune femme, bien entendu, dénudée. Pablo Picasso, en 1958, représente un diable tout noir, très classique avec une queue fourchue, des cornes et un trident à la main, dans son tableau « Le diable dans l'atelier ». Félix Labisse, peintre surréaliste et passionné de démonologie, évoque un monde infernal, quoique très anodin, dans plusieurs de ses toiles, dont « Hommage à Gilles de Rais » en 1957, Envoûtement, exorcisme en 1969, Asmodée, Balaam et Astaroth machinant la possession de Sœur Jeanne des Anges en 1975. Les artistes d'aujourd'hui, tels Gilles Rimbaud dans sa Tentatrice de 1972, Jean-Michel Nicolet dans son Démon succube de 1974 ou Milic de Majva dans son Incubus de 1982, réorientent la figure diabolique en délaissant sa laideur et son ridicule pour n'exacerber, au travers d'un corps féminin, que sa sensualité. L'art moderne cristallise ainsi les éléments les plus tentateurs, seins arrondis, bouche libidineuse, position lascive d'un corps sans défaut, pour modeler une image inoffensive du démon. Les tourments, les souffrances, les lamentations éternelles auxquelles étaient promis ceux et celles qui lui cédaient, se sont évaporés de la toile des peintres, tout comme de la conscience des hommes. Certains ne manqueront pas d'y voir une fois de plus une victoire discrète mais ô combien déterminante du diable dans sa lente et persévérante invasion de l'esprit humain. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery. I have cried my share of tears. Les lattes sont... Montre les lattes un peu. Bon. Tu veux te faire latter? Montre-moi tes lattes. Je vais te latter. You say party, we say die. Hey, marquez pas ça, c'est ce jeudi à Joliette, juste à côté. Ils sont en spectacle là, au bar L'Asile. À Joliette? Joliette. Elle fait pas de blagues sur Joliette, là, parce qu'on est en présence d'un Joliette-toi. Joliette-eux. Joliette-un. Joliette-ain. D'accord. Je me suis déjà mis toutes les Denise ados maintenant. Je vais essayer de garder les Joliettes pour moi. Ils sont toutes gang, hein, fait que... Il y en a beaucoup. C'est la fin de la première heure. Restez là pour la deuxième heure d'Assemblage requis. Il va y avoir Simon Fitzbé. Le Joliettin. Le Joliettin qui va nous parler de ses mythes du rock'n'roll et aussi il va y avoir Émilie Gauthier. Mm-hmm. Restez là. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis. Je pointais Kiwan, mais c'est moi qui a parlé, fait que je comprends pas trop mes signes. C'est pas grave. On aime ça, ça. On se donne des signes pour rien, finalement. Oui, vu qu'on est à la radio, c'est aussi assez inutile d'en parler. Donc. Ouais, ben c'est un peu comme l'horoscope. Des signes. Exactement. Ça donne rien. Rien du tout. Deuxième heure d'Assemblage requis, il va y avoir plus tard Émilie Gauthier qui va venir nous parler de plein air. Mais avant ça, tout à l'heure... Avant ça, il va y avoir Simon Fitzbé avec sa chronique sur les mythologies du rock'n'roll. Ça, c'est dans quelques minutes, dans environ 2 minutes et demie, je dirais, juste le temps qu'on a écouté Gregory Pepper et la pièce « I was a John ». Assemblage requis. 89.fm. Gregory Pepper, I was a John, Kiwan. Oui, assemblage requis, et c'est maintenant le temps d'accueillir Simon Fitzbé. Et sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is dead. Salut Simon. Bonjour, ça va bien vous autres? Oui, excuse-moi, j'avais comme momentanément oublié ton nom. Ben c'est pas grave, ça, c'est des choses qui arrivent. Mathieu, je veux dire Kiwan, c'est ça? Denise. Très fort. Denise. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, c'est un mythe sans l'être, puisque c'est pas des choses vraies encore cette fois, c'est plutôt des chicanes mythiques qui ont eu lieu entre les Beatles en 1968 et 1971-72. Les Beatles, c'est le groupe, je crois, qui est reconnu pour être le groupe qui s'est le plus chicané dans la fin de sa carrière, ce qui a mené à la séparation. C'est pas à cause des drogues ou de l'alcool ou des femmes, mais c'est plutôt donc les disputes personnelles qui sont à l'origine. Donc, on débute. Les disputes ont commencé autour de Let It Be en 1968. C'est dans les premiers enregistrements de cet album-là, dans les studios de Twickenham, en janvier 1969, au lendemain donc du jour de l'an. Ils ont commencé à enregistrer cet album et ça a déjà commencé à être tendu entre les membres du groupe dès lors, puisque Paul McCartney voulait ramener les Beatles sur scène avec cet album Let It Be, qui serait accompagné d'un film documentaire sur l'enregistrement. Et donc les autres n'étaient pas vraiment intéressés, surtout George Harrison qui voulait rien savoir de retourner sur scène, puisque lorsqu'ils ont quitté en 1966, c'était à cause de problèmes techniques, entre autres, ils ne s'entendaient pas sur scène, les fans allaient les voir eux et non pas ils n'allaient pas pour entendre la musique et apprécier, donc ils ne voyaient pas vraiment le point de revenir ensemble sur scène après Let It Be. Et en plus, au cours des années, George Harrison avait accumulé certaines chansons, un bon bassin de chansons qu'il voulait pouvoir diffuser, mais les Beatles ne laissaient, en fait, Paul McCartney et John Lennon ne laissaient que deux pièces à George Harrison sur chaque album, c'est-à-dire une par côté de disque vinyle. Et donc, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas. Il a proposé plusieurs pièces aux membres pour Let It Be. Ça a été difficile à choisir et ils ont finalement décidé de prendre la pièce I'm in Mine, qui est une genre de valse accélérée d'un style blues qu'Harrison a écrit. Et lorsqu'il a joué pour la première fois cette pièce-là, John et Yoko se sont mis à danser une valse dans le studio, chose que Harrison a pris comme un affront personnel. Il a vraiment pas aimé ça. Et I'm in Mine aussi, en passant, c'est la dernière pièce qui a été enregistrée par les Beatles, parce qu'ils sont retournés en studio après la rupture, ou juste avant la rupture plutôt, pour pouvoir réenregistrer la pièce. Donc on va aller entendre un extrait justement de I'm in Mine, qui est la toute première pièce qu'on entend aujourd'hui de George Harrison. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the frightened are leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. La pièce, donc, I'm in Mine de George Harrison, des Beatles plutôt que ce retour sur les Let It Be. Et comme je le disais, John et Yoko se sont mis à danser pendant qu'ils présentaient cette chanson-là. Il a pas vraiment aimé ça. Et John Lennon trouvait que c'était pas une pièce plus très Beatlesque. Donc il a pas vraiment aimé la version. On voit que t'as une plus grande tolérance que George, parce que ça t'a pas dérangé que Mathieu et moi on danse une valse pendant qu'elle jouait. Non, c'est ça. Moi, ça me dérange pas vraiment. Je trouvais ça très beau d'ailleurs. Vous êtes de très bons danseurs, les gars. Et ils en sont venus au point, Harrison et Lennon, en studio, alors que les caméras filmaient. En fait, ils ne filmaient pas les techniciens étant en break, mais il y a quand même, dans le film, on voit une chicane entre les deux, et ça a tourné donc au vinaigre. Harrison a quitté le groupe pour deux semaines. Lennon s'en foutait complètement. Lui, il suggérait d'engager Eric Clapton pour qu'il vienne remplacer Harrison. Et donc, il s'est fait convaincre à la longue, ce cher George, de revenir au sein de la formation, mais il savait très bien que c'était pour les derniers jours des Beatles et il avait hâte de commencer sa carrière solo. Le deuxième conflit qui nous vient arrive un petit peu après justement les problèmes de Let It Be, c'est la succession en fait du management des Beatles. Brian Epstein est décédé en 1967, c'était le manager des Beatles, il est mort d'un overdose de drogue en 67-68. Et pendant quelques temps, ils sont restés sans manager et ont décidé de mettre sur pied une maison de disques, une compagnie de disques et d'édition qui se nomme Apple. Et donc, en seulement un an, il s'était devenu un bourbier financier pour les musiciens. Et les rumeurs disaient même que s'ils ne prenaient pas en main la compagnie, les Beatles allaient tous faire faillite dans 6 mois. Et donc, ils devaient se trouver un gestionnaire pour mieux prendre en main les finances de la compagnie et permettre à celle-ci de rester en affaires. Paul McCartney a suggéré alors un homme qui allait devenir son beau-père, Lee Eastman, qui est un avocat et qui avait justement des compagnies de gestion pour s'occuper d'Apple. Mais ce choix-là de McCartney a été perçu par les autres membres du groupe comme étant une tentative de Paul pour prendre le contrôle des actifs du groupe et de faire des Beatles, dans le fond, ce qu'il voulait. Et dans le but d'empêcher Paul en arriver à ses fins, Lennon, Starr et Harrison ont proposé la gestion d'Alan Klein, un comptable de New York qui avait été reconnu, entre autres, pour avoir été le gérant des Rolling Stones. Et donc, McCartney le percevait pas comme un homme honnête. Et il a même reçu un avertissement de Mick Jagger, donc il avait été agent des Rolling Stones, et qui disait « Tenez-vous le plus loin possible de ce gars-là, il va vous mettre en banqueroute, vous allez avoir des problèmes avec lui ». Malgré tout, les trois Beatles pro-Klein ont envoyé une lettre à Lee Eastman pour qu'il cesse toutes les activités relatives aux Beatles, mais qu'il pouvait continuer à manager Paul McCartney seul. Et donc, ça s'avéra un très mauvais choix et qui a coûté beaucoup d'argent au groupe. Paul McCartney a mis en musique ses sentiments envers le bourbier légal qu'avait créé le changement de manager dans la pièce « You Never Give Me Your Money » qu'on trouve sur Abbey Road. Pièce « You Never Give Me Your Money » qui se retrouve sur Abbey Road, pièce écrite par Paul McCartney et qui fait allusion donc à la mauvaise gestion d'Alan Klein et aussi des négociations qui étaient assez vinaigrées, mot du jour, vinaigrées, entre les Beatles, les trois Beatles et lui-même. Donc, il ne voulait pas signer avec Alan Klein et ils en sont pratiquement venus au point, les trois autres, pour le convaincre de signer. Et donc, Klein a été poursuivi par les Beatles, par Apple, ainsi que par John Lennon lui-même plus tard, pour des problèmes de gestion. Il a entre autres fermé une partie d'Apple pour pouvoir la garder en route, mais dans le fond, il aurait très bien pu la laisser ouverte, ça n'aurait pas causé de problème. Et c'est quelque chose qui n'a pas plu à McCartney. Le seul moment où Klein et McCartney s'en sont venus à un accord, c'est quand John Lennon, en septembre 1969, voulait annoncer qu'il avait quitté les Beatles et qu'il, en fond, il voulait qu'il garde ça secret jusqu'à temps que l'annonce officielle soit faite. Annonce officielle qui est venue de Paul McCartney en avril 1970. Il a donc dit aux médias qu'il quittait les Beatles et que le groupe se dissolutionnait. Et c'était pour prendre en fait Alan Klein de court, justement, et pas lui permettre de capitaliser là-dessus. Et il a traîné les Beatles ainsi qu'Alan Klein en justice la journée du 31 décembre 1970. Donc, il leur a envoyé des mandats pour qu'ils se présentent en cours pour la dissolution officielle du groupe. Mais malgré la dissolution, les engueulades ont quand même continué entre les Beatles dans les années 70 et surtout entre John et Paul. Et ça a vraiment ça a atteint son paroxysme, en fait, suite à la sortie de l'album McCartney de Paul McCartney, qui en fait cet album-là devait sortir. Paul voulait qu'elle sorte en avril 1970, en même temps que Let It Be, le dernier album des Beatles. Donc Klein et les trois autres Beatles ont essayé de l'empêcher donc de sortir son album le même mois que Let It Be, ce qui aurait obscurci un peu les ventes. Ils ont donc envoyé Ringo à la maison de Paul pour essayer de le convaincre. Ringo étant bien sûr un bon bouc émissaire ainsi qu'un bon un bon ambassadeur pour les Beatles. Il est allé chez Paul McCartney et s'est fait sortir à coups de pied dans le derrière. Dans le Ringo. Dans le Ringo, exactement. Donc, il s'est fait sortir par coup de pied et finalement, donc, Let It Be est sorti un mois plus tard puisqu'il voulait rien entendre. Et c'est Ringo, donc, qui ont suggéré tout simplement de laisser tomber les ententes avec Paul. Et donc, son premier album, McCartney, les trois autres Beatles l'ont jugé sévèrement à cause de la qualité de l'enregistrement. Et McCartney était reconnu pour un professionnalisme hors pair lorsqu'il était le temps d'enregistrer. On en avait parlé dans la chronique où on parlait de sa supposée mort. Donc, lui qui était très professionnel, c'est un album qui était bâclé. Et il a répondu à cette façon, en fait, ce jugement avec un autre album, son deuxième album en 1971, qui se nomme Ram, un album bien enregistré et qui rappelait beaucoup la musique des Beatles et qui fut bien reçu au niveau du public. Mais John Lennon y trouva une particularité plus qu'intéressante de cet album. Effectivement, il trouva deux pièces dont les paroles semblaient dirigées vers lui, les pièces Too Many People et Dear Boy. Voici deux extraits, un extrait de chaque chanson. Donc, les pièces Too Many People et Dear Boy qui apparaissent sur l'album Ram de Paul McCartney en 1971. Et ce sont deux sur trois pièces que John Lennon trouvait dirigées vers lui. En fait, dans Too Many People, on parle tout simplement de prendre des vacances et de revenir brisé en deux. Donc, il faisait allusion donc à John Lennon lors de son voyage de noces. Il est parti pendant quelques temps, il est revenu, il était complètement désintéressé des Beatles et Paul McCartney donc l'a attaqué par là. Et Dear Boy aussi qui parle tout simplement de qu'il ne saura jamais comment il aurait pu avoir une belle vie avec les Beatles et que tout ce qu'il fera à partir de là, de la séparation, ne sera pas aussi bon que ce qu'il aurait fait avec les Beatles. Ça l'a beaucoup choqué. Et Paul McCartney a avoué qu'en fait que dans la première pièce, Too Many People, il faisait une petite allusion à Lennon, mais sans plus pousser plus loin, malgré que quand on écoute les pièces, c'est assez évident si on connaît un peu l'histoire. John Lennon a voulu répondre à Paul McCartney sur son album Imagine. Il a enregistré la pièce How Do You Sleep. C'est une pièce qui est parue en 1971 aussi sur Imagine et qui avait comme invité spécial à la guitare solo George Harrison. Et cette pièce-là est vraiment plus dure que ce que McCartney a pu faire pour John Lennon. Vous allez voir, si vous comprenez l'anglais, c'est assez frappant. Donc voici. Bien planifié, c'était comme exactement au moment où j'ai ouvert les micros. Ouais, exactement, j'ai rajouté comme un genre d'effet à la toune. C'était beau. T'es comme le Ringo d'assemblage hockey. Exactement, c'est génial. Tu rajoutes quelque chose. Merci pour le titre. Je vais me faire un chandail. Cool. Donc, on a entendu la pièce, en fait, un extrait de la pièce How Do You Sleep de John Lennon et de George Harrison, dirigé envers Paul McCartney à la suite de ses attaques sur son album Ram. Et sur cet album-là aussi, il y avait inclus une carte postale avec une photo de lui, John Lennon, qui tenait des oreilles de porc. Donc, il tenait un porc par les oreilles, dans le fond. Et c'était un peu pour moquer la couverture de Ram où Paul McCartney tient un mouton par ses oreilles. Donc, c'est vraiment une attaque directe. Les c'est deux, même pas subtil. Non, c'est ça, c'est vraiment pas subtil. Mais par la suite, John Lennon a dit que c'était dirigé en fait plus vers lui, puisqu'il fait allusion aussi à Sgt. Pepper, ce qui est un projet de Paul McCartney. Il dit donc qu'il traite de son innocence par rapport aux Beatles et de son attitude qu'il a eue, en fait, qui était pas très bonne. Et les deux sont quand même restés amis. Dans une entrevue que John Lennon a donnée à un magazine deux mois avant sa mort, il disait que lui et Paul se sont vus dans certaines périodes, en fait, entre 1971 et 1975, et que McCartney avait l'habitude de débarquer chez lui avec une guitare et tout simplement jouer le soir à New York, bien sûr. Et la dernière fois qu'il est venu, c'est en 1975, et en partant, Lennon il a dit appel avant d'appeler, maintenant on n'est plus en 1955, on n'est plus des jeunes enfants. Et McCartney l'a mal pris, il n'a jamais rappelé John Lennon jusqu'à sa mort en 1980. Et ces batailles-là aussi ont continué un peu dans les années 80, justement, avec, entre autres, une pièce de George Harrison. J'ai pas d'extrait, malheureusement. C'est une pièce qui se nomme « When We Was Fab », une pièce qui fait référence aux Beatles, bien sûr. Et dans le vidéoclip de la pièce, il y a une participation de Ringo Starr et une suggestion de Paul McCartney parce qu'il n'était pas disponible pour le tournage. En fait, pas disponible, entre grosses parenthèses, parce que lui et Harrison aussi ont eu leur lot de démêlés, entre autres à partir de Let It Be. Et les problèmes avec Klein aussi. Donc, ils se parlent pas vraiment. Ils parlaient pas, en fait, parce que Harrison est mort. Mais dans le vidéoclip, donc, pour remplacer Paul, ils ont tout simplement mis un homme dans un costume d'Otari, de Walrus, et lui fait jouer la base. Donc, c'est très drôle à voir. Vraiment intéressant. Le clip est sur YouTube, la pièce « When We Was Fab ». Donc, c'est ce qui conclut, en fait, ma chronique, les Beatles et leurs chicanes. C'est vraiment dans les pires qu'on a pu voir au niveau de la musique. Je crois pas vraiment qu'il y ait pire que ça, à part peut-être Van Halen et David Lee Roth ou quelque chose comme ça, là, vraiment. Donc, il y avait des gros égos quand même. Oui, quand même assez vers la fin, surtout McCartney et Lennon. Lennon qui disait, en entrevue, a souvent dit « Ah, moi, à partir de 1966, les Beatles, je voulais plus rien savoir de ça. J'étais là juste parce que c'était ma job. » Puis dans d'autres entrevues, il disait que c'était lui qui, jusqu'en 1969, les a tenus sur ses épaules. Donc, tout le temps contradictoire, ce cher John, mais reste quand même que McCartney a fait beaucoup pour les Beatles à partir de 67, lorsque leur manager est décédé. C'est lui qui a pris en main le groupe un peu, jusqu'à temps que Klein arrive dans la pièce pour venir déranger le groupe qui pratiquait. Et donc, c'est ça, voilà Paul McCartney qui a fait beaucoup plus et qui a été accusé donc à tort d'avoir séparé les Beatles alors que c'était plutôt John Lennon qui est parti en premier. Voilà. Voilà donc les chicanes des Beatles pour cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera les chicanes de la chicane. Exactement, ben oui. Cool. Puis en plus, ils sont vraiment chicanes. Ah hein? Oh, ouais. Ben oui, ils sont tous en chicane contre Boom Desjardins. Colin! Ouais. Moi, je pense parce qu'il a coupé sa queue de cheval, ils l'ont pas pris. Ouais, c'est ça, ils veulent plus le revoir dans le groupe parce qu'il est rendu avec les cheveux courts. Ouais. Ben, j'ai compris. J'avoue. Ils sont capables de faire mieux sans lui, probablement, de toute façon. Merci beaucoup, Simon Fitzbé. Ça fait plaisir. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine à vous deux et bonne chronique avec Émilie. Merci. Et bons examens et autres choses que tu as à faire, toi. Merci beaucoup. Pauvre lui. Bon, chouette. Ouais. C'est toujours Assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Mm-hmm. Et on continue ça en musique. Oui, en musique avec les trois accords. Donc, on continue d'explorer cet album-là. Les deux, on n'est pas à la base des très grands fans des trois accords, non. Mais on est tous les deux intéressés, intrigués par ce son-là du nouvel album des trois accords. Donc, on va écouter une nouvelle pièce qu'on n'a pas écoutée encore sur cet album-là. Elle s'appelle Pull Pastel. Pull Pastel. À Assemblage Rookie. On la refait-tu? À Assemblage Rookie, non? H-T-U. Vas-y, 1, 2, 3. Ah, ça. Laisse faire. La chronique plein air avec Émilie Gauthier, tantôt. Musique. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Le nombre et couleurs naturelles, c'est la position numéro 2 du palmarès francophone cette semaine. Vous écoutez toujours l'émission Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu. Et maintenant, c'est l'heure d'accueillir Émilie Gauthier et sa chronique plein air. Ah voilà, bonjour Émilie. Hello, hello. Hello. Ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Aujourd'hui, de quoi tu nous parles? T'as trois sujets, en gros, là, si je comprends bien. Ouais, deux endroits, puis encore un genre de suggestion de maman, un peu comme la semaine passée. Ça va devenir récurrent, le conseil de maman. Ouais, ben peut-être, je sais pas, on verra. Non, tu vas avoir un sujet maman chaque semaine. Bon, c'est... Non, c'est pas vrai, on veut pas te mettre de contraintes du tout. Commençons avec plein air villejois. Ouais, ben c'est... Tandis que tout le monde est en rush de mi-session, là. Je me suis dit que ce serait le fun de trouver des spots pas trop loin. Fait que le site plein air villejois, c'est environ 15 minutes. C'est à Trois-Rivières, dans le secteur... Pointe-du-Lac. Merci, oui, secteur Pointe-du-Lac, c'est ça. C'est une petite place, là. Il y a beaucoup... C'est surtout des classes vertes, des camps d'été, mais on peut accéder à des activités libres comme on veut, comme un sentier de marche ou de l'herbétisme, des aires de pique-nique. Il y a même de la pétanque. Je dénigre pas personne, c'est le fun, la pétanque. Ben oui, il y en a qui jouent au ballon-ballet, d'autres à pétanque. Ah, ben oui. Hey. Ah, je pensais que tu parlais à Villejoie. Je pensais qu'il y avait du ballon-ballet, mais non, tu disais ça pour... Okay. Juste pour faire une comparaison avec Kiwan qui joue au ballon-ballet. Okay. Okay. Voilà. C'est juste ça. Puis les oiseaux commencent à migrer, ils disent que c'est un bel endroit pour observer la migration d'oiseaux. Oui, c'est sur le bord du lac Saint-Pierre. Oui, en fait, c'est ça. Donc, une petite place, puis si on veut prendre une heure ou deux pour relaxer, rush d'études, juste décompresser un petit peu, c'est la bonne place. C'est pas tu mérites loin. Ça, toi, je pense. Oui, ça va faire du bien. Je pense que tous les étudiants méritent ça en ce moment. Un petit peu de calme, ça s'en revient. Ouais. Donc, si les gens veulent plus d'informations sur Villejoie, c'est ville-joie.com. Voilà. Le parc de la rivière Batiscan, maintenant. Oui, c'est un parc régional qui s'est donné, dans le fond, un mandat de conservation et d'éducation environnementale. Aussi, il favorise les activités de plein air. Puis, c'est un parc avec une superficie de 400 hectares, ce qui est assez grand. C'est environ à 30-45 minutes de route. C'est pas très loin. Déjà, juste faire la route, ça l'aide à décompresser quand tu as étudié toute la journée. Ça peut juste faire du bien. Mm-hmm. C'est situé à la rencontre du Bouclier canadien et des basses-terres du Saint-Laurent. Fait que ça, le relief peut donner... Ça donne lieu, en le fond, à des chutes, à des cascades, des bassins. Fait que ça peut donner des très beaux paysages. Il y a environ 25 km de sentiers de randonnée. Donc, si on veut partir une petite après-midi, ça fait du bien. C'est une belle petite place. Il y a des pistes pour débutants puis pour experts. Donc, ça fait appel à tout le monde. Tout le monde peut y aller. Tout le monde va se faire du fun. Même les poches. Même les débutants. Ah, excuse-moi, débutants. Est-ce que tu te sens interpellé? Maintenant? Vraiment, là. Ouais. Je me considérais extrêmement débutant. OK. En fait, le trottoir va être plus adapté pour toi pour commencer. Les lignes. À randonnée. Ah, c'est vrai, il y a un petit relief là-dedans. C'est hein, ça, c'est trop. Il faudrait t'acheter des bâtons de marche. Ah. Une chaise roulante. Ça m'apparaît ça, je suis sur mon petit... triporteur. C'est ça, triporteur, cherchez le mot. Merci. Toujours parc de la rivière Vatican, on disait, donc on était rendu à... Il y a des sentiers. C'est des sentiers, il y en a combien? Il y en a 20 qui sont disponibles. Il y en a deux qui sont considérés difficiles. Donc, pour les experts, il y en a un qui est intermédiaire, puis les autres sont considérés comme faciles. Mais, tous les sentiers se relaient. Donc, on peut commencer sur une piste qui est plus facile, puis augmenter de difficulté. C'est souvent comme ça dans les parcs, où est-ce qu'il y a plusieurs sentiers. C'est même dans Guitar Hero aussi, dans Rock Band. Tu peux commencer vraiment facile, puis monter. coche. C'est les références qu'il faut me donner, ça. OK. Comme dans Guitar Hero. Parfait. Tu commences facile, tu montes. Oui. Donc, je vais savoir comment t'expliquer les choses. Merci. Maintenant, Mathieu. Mais j'ai pas encore compris. Sur la carte, il y avait des petites flèches, puis dans la légende, c'était écrit que c'est des sentiers à sens unique. Ça, c'est souvent à cause du relief, je crois, en fait. Mais faut que tu sois capable de leur descendre, ta piste, mon ami. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. Souvent, c'est le sens unique va aller vers la pente descendante ou en tout cas... Parce qu'il y a un sens pour faire un sentier, dépendamment du relief. Bon. C'est comme un poisson, tu sais, ça peut descendre contre-courant. Pareil. Ouais. C'est ça. Donc, il y a des étangs, hein, des étangs castors, ouais. Des aires de jeu, plein de choses. Puis, il y a une maternité de chauves-souris, mais ça, j'ai pas réussi à avoir d'informations là-dessus. Une maternité de chauves-souris? Oui, c'est ce qui était écrit sur la carte avec un petit logo de chauves-souris. C'est écrit « Maternité de chauves-souris ». Donc, si quelqu'un y va, qui nous écrive, qui me donne des nouvelles là-dessus, je serais curieuse. Tu veux faire garder ta chauve-souris? Ah, peut-être. Voilà, ouais, peut-être. Chauve-souris est enceinte, c'est la place pour y aller. OK. Si vous voulez vous accoupler avec des chauves-souris, c'est comme vous voulez. Il y a des photos sur leur site et sur Google, tu disais, c'est fantastique, très magnifique, c'est beau. C'est très beau. Les chutes, là, ça a l'air pas mal cute. Pas trop cher non plus. Non, c'est ça, c'est 6,50 $ par adulte. Il y a plus d'infos sur le site www.parcbatiscan.com. Cool. Tu voulais finir, tu finis par un petit conseil de maman, c'est ça? Mais c'est pas conseil de maman, non. C'est conseil d'étudiante en rush d'examen. OK, donc tu parles d'expérience, là. Oui, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Mais dans le fond, là... On est tous en rush d'examen, on a toute la tête qui va exploser, on n'a pas le temps de sortir de chez nous, on n'a pas le temps juste pour passer de l'auto à nos cours, c'est tout. Mais prenez une petite demi-heure là, ou une petite heure pour aller marcher. Je l'ai faite hier, j'étais allée marcher dans les rues pendant une demi-heure, 45 minutes, puis t'es tellement plus motivé à continuer à étudier. Après, t'as le cerveau au frais, qu'est-ce que tu veux, puis ça t'aide. Puis... Ou mets-toi la tête dans le congélateur, comme tu veux. Tu peux faire les deux, moi aussi. Oui. C'est une idée, mais il n'y a plus de place dans le congélo chez nous. Tu cherches vraiment n'importe quelle raison pour pas sortir. N'importe quoi. Ou pour parler de bouffe. Ah, c'est ça. Ouais. Puis que j'avais déjà parlé des sentiers pédestres qui sont disponibles sur le campus aussi. Il l'a sur le site internet. Il y en a un plan en rentrant à la cafétéria. Il y en a un proche de la radio ici dans le milieu. Il y a une grosse affiche avec les sentiers. Faites les petits sentiers. Sinon, il y a plein de petites rues. Allez marcher. Il y a des trottoirs. C'est sécuritaire. Hein? Oui. Oui. C'est bientôt l'Halloween aussi. Il y a des décorations. Allez vous promener. Faites juste prendre l'air. Ah, tu vois, ça, c'est une activité qui pourrait bien fitter pour... S'il y a des bonbons, là. Pour ramasser des bonbons en même temps. Ouais. Ouais. Et je suis tout le temps déguisé en quelque chose toute l'année de toute façon. Je pourrais te déguiser en chauve-souris enceinte puis passer l'Halloween. Cool! Cool. J'essaie de faire des liens. Là, ouais, tu as réussi en tout cas. Pas pire. Ouais. Fait que dans le fond, là, négligez pas votre bien-être. C'est pas bien parce que vous allez être trop fatigué puis vous allez être malade. Puis c'est pas le fun. Tu sais, quand tu fais ton examen puis que la personne à côté, elle arrête pas de renifler parce qu'elle est malade, là. Ouais. C'est gossant. Fait que pensez à votre bien-être pas celui des autres puis allez marcher un petit peu break d'examen. Fait que c'est ça. C'est le conseil de maman Émilie cette semaine. Voilà. Fait que bonne semaine d'examen à tout le monde puis pendant la semaine de relâche, là, profitez-en là, puis sortez dehors là. On a le temps. Elle est tellement sage. Oui. Vraiment. Émilie Gauthier. Oui. Sa chronique plein air. Merci à la semaine prochaine. Ou pas. Non. L'autre après. Non, l'autre après, parce que moi, j'ai l'air d'un petit hamster. Tu vas être parti jouer dehors pendant la semaine de relâche. C'est ça. Attends. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place d'Émilie la semaine prochaine? Devine qu'est-ce qu'il va y avoir à la place d'Émilie. Émile-moi des criquets, s'il te plaît. Non. Non, je pense que c'est fini. Elle veut plus en ouais. faire maintenant, non? Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Je pensais l'avoir. Non. Émilie Gauthier, bye. Bye bye. Merci beaucoup. Dans deux semaines. Deux, comptez-les. On va aller faire des choses avec des chauves-souris. Vous êtes toujours Assemblage Requis jusqu'à 17h, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Je laisse même pas le temps de répondre à ma référence de chauves-souris, c'était trop vulgaire. On s'en va entendre quelque chose qui va très bien aller avec ce dont on vient de parler. The National Parks. Voici Down by the River. À Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Born there, by the shore. River's cold there, I cleanse my soul. Fetch the water, I do my chores. Won't feel the drought cause my bucket's full. When nighttime falls, we light our tracks. We burn a fire till the sun runs back. I say we kings, the water it sings. Swim for a mile, hold your breath for a while. Drift like a leaf. Down by the river. Release your grief. Down by the river. Let your body float. Down by the river. Like a ghost on a boat. Jump from a cliff. Down by the river. Then play a blue riff. Down by the river. Fish love down low. Down by the river. While the grass they grow. Down by the river. I was born there by the shore. River's cold there. I cleanse my soul. Fetch the water. I do my chores. My bucket's full. When nighttime falls, we light our tracks. We burn a fire till the sun runs back. Wait a bit, get a rush. Feel the waves keep a hush. Splash out in the water when you shout. People get loose, drinking gin with the juice. Here I find my food. Take a dip in the noon. Munching up weeds where the river flow leaps. Mr. Reaper sleeps while the hunter creeps. Down by the river. From the river to the ocean. Down by the river. Band of Scars et la pièce Fires, c'est dans le palmarès anglophone. C'est ce qui termine déjà l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est terminé. C'est Kiwan qui va rester avec vous pour une autre heure à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Oui, il va y avoir entre autres là-dedans, il va y avoir du Husky, il va y avoir du Elmotor et plein de bonne musique en fait. Je pense une très belle émission, Kiwan. Ça serait vraiment trop long à énumérer, donc je le ferai pas. Ouais. On passe à d'autres choses. On va dire que demain, Assemblage requis à 15h, encore une fois, il va y avoir la chronique culturelle alternative de Sébastien Dulude. Il va y avoir aussi la visite de François Landry qui est tous les mercredis pour parler de l'actualité politique. Et on va recevoir Ian Kelly en entrevue. Alors, soyez avec nous demain. Oui, soyez là. Et restez sur nos ondes. Donc, pour La Dernière Porte à Gauche, puis à 18h, c'est Étal Mixte. Et ensuite, Rock Révélé et Réanimation. Grosse soirée. Bonne soirée, papy. Bonne soirée. Bonne soirée. On se quitte avec Standing Walls et In My Nightmare. À demain. Bye, Matt. Bye. Table. If you want, I can show you crystal.